Mais moi, je vais vous dire une chose pour laquelle je suis très fier de la Belgique aujourd'hui. Longtemps, je rêvais qu'en Belgique, je trouverais des hommes et des femmes de courage qui vont se dire « Nous ne voulons pas que le fardeau de l'assassinat de Lumumba pèse sur les générations futures. » Et longtemps, j'ai cru qu'en Belgique, il n'y avait pas ces hommes et ces femmes de courage. Et depuis quelques temps, je vois arriver tout ce travail mémoriel. Je me dis « Tiens, la Belgique est debout. La Belgique est debout. » Et aujourd'hui, c'est la preuve qu'en Belgique, les Belges reviennent à ce qu'ils étaient avant 60. Ils n'ont pas été tous des colonialistes. Il y a en Belgique des humanistes. Vous savez, moi je travaille sur Lumumba. Financer un film sur Lumumba, vous rencontrez des gens qui vous répondent d'une façon très violente. Ils ont l'impression que vous allez les mettre à nu. Vous allez les mettre à nu. J'ai dit un jour, mais il s'agit juste de donner un point de vue africain, un point de vue congolais sur une partie de l'histoire qui nous est commune. Et moi, je viens de voir sur la RTBF un magazine sur Lumumba. Et c'est la première fois que je vois dans les médias belges quelque chose d'honnête sur le Congo. Et j'en suis fier. Donc tout d'un coup, je regarde la Belgique, qui est le pays dans lequel j'ai grandi, je regarde la Belgique différemment. Différemment. Je me dis, tiens, c'est aussi mon pays, la Belgique. Parce que c'est aussi ma part de la culture. Parce que je rencontre maintenant des gens honnêtes face à l'histoire et des gens courageux face à l'histoire. Et ça, c'est très important à le dire. Vous savez, ça ne sert à rien de continuer à balayer et de mettre sous les lits. Un jour, on déplacera les lits. Les voiles du contexte de l'époque, tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Je suis historien de formation, je le sais. C'est du pipeau. Nous devons avoir le courage de reformater l'histoire, de revisiter l'histoire, de réinterpeller et de revisiter le 30 juin 1960. De revisiter l'histoire, pourquoi ? Pour créer une nouvelle conversation avec nous-mêmes. Nous-mêmes, la Belgique et le Congo. Moi, je ne vois pas, mes enfants sont belges, je ne vois pas pourquoi je vais leur faire porter un fardeau sanglant qui a été décidé au Palais Royal. Et si nous revenons à son livre « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» en 57, hein, ce livre qui a été caché, qu'on n'a pas voulu publier en Belgique, qui a été censuré. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ses livres? Il dit « Construisons la communauté belgo-congolaise. Construisons. » Et il dit « La Belgique n'a pas de moyens d'être une nation économiquement si elle se sépare du Congo. Le Congo n'a pas de moyens au niveau du savoir et du savoir-faire de se séparer de la Belgique pour se constituer en nation. » Il faut redonner ses droits aux Congolais. Vous savez que depuis avant 1960, les Congolais, on ne l'appelait pas Congolais, c'était un indigène. C'était un indigène. On ne disait pas Monsieur Lumumba, on disait les dénommés Lumumba. Donc, il faut comprendre comment des gens comme Lumumba ont humanisé la Belgique. Vous savez, le 30 juin 1960, quand Patrice dit « Congolais et Congolais, combattants de la liberté aujourd'hui victorieux », c'est la première fois qui est retenti dans tous les territoires du Congo, la dénomination congolaise et congolais qui est destinée à ses propres frères et sœurs. Jamais avant Patrice, on nous avait dit qu'on était congolais et congolaise. Donc ça, c'est un moment inoubliable de l'histoire. C'est un moment inoubliable. Tout d'un coup, on était debout. On existait. Mais tout d'un coup, Patrice ne s'adressait pas aux gens qui étaient dans la salle. Patrice s'adressait aux Congolaises, aux Congolais. Et puis, à travers le monde, aux combattants de la liberté. Il n'a pas dit autre chose, combattants de la liberté. Les combattants de la liberté, ils sont partout dans le monde. Donc, le discours était destiné au Congo, à l'Afrique et au monde.